Tu n'as pas le bras de ton nom, ma petite, avait dit Jenny Cadine, à qui Carabine avait présenté ce chef-d'œuvre âgé de 16 ans et amené par elle. Cydalise, en effet, offrait à l'admiration publique de beaux bras d'un tissu serré, grenu, mais rougi par un sang magnifique. « Combien vaut-elle ? » demanda Jenny Cadine tout bas à Carabine. « Un héritage. Qu'en veux-tu faire ? Tiens, Madame Combabus, et l'on te donne pour faire ce métier-là ? Devine. Une belle argenterie ? J'en ai 3. Des diamants ? J'en vends. Un singe vert. Non, un tableau de Raphaël. Quelle rate passe dans la cervelle ? Josépha me scie l'omoplate avec ses tableaux, répondit Carabine, et j'en veux avoir de plus beaux que les siens.